Bienvenue tout le monde sur la POC, une nouvelle édition en ce 8 février 2018, la date limite des transactions qui approche à très grands pas. J'ai gagné ton animateur et avec moi cette semaine, Jerry Goodbeau! Hey! Bonjour, bonjour! Deux shows de suite, maudit, ma blessure est guérie complètement. Ouais. Écoute, t'es plus sur la liste des blessés. On est vraiment contents. L'autre, par contre, Sylvain Rioux, ne sera pas des nôtres cette semaine, puisqu'il gère des T4. Je suis tellement pas en mode envieux là, en ce moment. Asti que je voudrais pas être à sa place. En tout cas. Moi non plus. Hey boy! D'un, je ferais plus d'erreurs qu'il y en a déjà. Puis c'est sûr que c'est pas un domaine qui est passionnant. C'est sûr. Sylvain, il fait ça parce que, tu sais, dans le fond... Il gagne son ciel petit à petit. Là. Un T4 à la fois, il gagne son ciel. Le Canadien de Montréal. Parlons de la situation de notre club adoré, nos glorieux. Actuellement, le Canadien est loin du portrait, loin d'être dans les séries. Et pourtant, cette semaine encore, j'ai entendu des médias, Gilbert Delorme, dire que le Canadien doit se battre pour une place en série. Ils sont à 8 points d'une place pour les Wild Card qui sont occupés en ce moment par Philadelphie, contre qui le Canadien joue au moment même où est-ce qu'on enregistre, qui eux en ont 59. Columbus et les Islanders en ont 58. Columbus qui en ce moment, puisqu'ils ont un match en main, ont l'avantage, ont la dernière place en série. Et le Canadien, eux, ont 50 points en 53 matchs. 8 points d'écart. Je pense que les patates sont cuites, les haricots sont brûlés. Ça marchera pas. Ça se fera pas. Même si Gilbert, il dit le contraire. Ouais, mais Gilbert, c'est un ancien joueur. Hein? Ouais, je il sais. Il a le petit côté, faut se battre jusqu'à la fin. Puis... Je le sais. Depuis le dernier enregistrement de la POC, disons l'original, Canadien style, la formation montréalaise a joué quelques matchs. Le 25 janvier dernier, défaite contre les Hurricanes de 6-5. Ensuite, mardi, je vais arrêter de me tromper. Le 30 janvier, défaite contre les Blues de Saint-Louis, 3-1. Ensuite, on tourne le site web, on change de page de calendrier pour le mois de février. À nouveau contre les Hurricanes, une autre défaite 2-0 cette fois-là. Ensuite, le week-end qu'on vient de traverser avec deux victoires en deux matchs, une victoire de 5-2 contre les Ducks d'Anaheim et une victoire contre les Sénateurs d'Ottawa, que j'irai voir d'ailleurs la semaine prochaine en Ottawa contre les Sabres de Buffalo. J'ai vraiment hâte. Une victoire de 4-1 contre cette pauvre formation qui réussit à faire pire que le Canadien. Deux victoires qui n'étaient pas utiles, qui n'étaient pas souhaitées. Ouais. Et deux victoires que le Canadien, avant ces deux matchs-là, était à 8 points d'une place en série. Tu finis les deux matchs, tu arrives au lundi et le Canadien est à 9 points. Là, par la force des choses, ça s'est resserré avec les matchs qui se sont joués et le Canadien est à nouveau à 8 points. Là. Mais tu gagnes des matchs puis tu recules au classement. Là. C'est dire comment est-ce que le CH est creux dans la boîte. Ben écoute, moi, c'est pas compliqué. Je vais plugger un petit quelque chose rapidement. Je bois une bonne bière du Dieu du ciel qui s'appelle Grande Noirceur. Et honnêtement, j'ai choisi cette bière. C'est tout à fait à propos. Pour le show, là, à quel point il y a un lien à faire avec le Canadien de Montréal présentement. Moi, je bois une savoureuse Sapporo. Comme sur le dernier show. Oui, comme sur le dernier show. Une bière qui, je pense que c'est chinois ou japonais. Parce que on va se le dire, les communications entre le Canadien de Montréal et les partisans, c'est du chinois. Ça se parle pas bien, cette affaire-là. Donc, c'est une bière de circonstance. Hey, on est... Je fais des liens, concept. Là. On est concept. Je fais des liens. Jerry, je pense que le truc le plus intéressant à jaser, qui va le mieux lancer la discussion aujourd'hui sur le show, c'est un truc que j'ai déjà partagé sur notre page Facebook de la POC et sur lequel les gens ont réagi quand même assez nombreux. Je vais lire quelques-uns des commentaires. C'est la formation des Rangers de New York en ce 8 février qui va d'une lettre à ses partisans. C'est signé de la part de Glenn Sather, le président, et de Jeff Gordon, le GM, donc le DG, l'équivalent de Marc Bergevin à Montréal. Et grosso modo, ce que ça raconte, c'est que ben, depuis la saison 2005-2006, le club a été très, très compétitif. On parle de 129 matchs de série. Ils ont gagné le trophée du président. Ils ont atteint la finale de conférence à 3 occasions. Ils ont même atteint la finale de la Coupe Stanley une fois. C'était en battant le Canadien cette occasion-là. Mais malgré tous ces accomplissements-là, qui sont quand même très intéressants, la formation des Rangers n'a pas atteint le but ultime, remporter une Coupe Stanley. Et là, on rentre dans le crunchy. Ils ont placé à patente, ils ont eu des succès, mais là, on n'a pas atteint ce qu'on souhaite. Le but de cette communication-là, c'est d'annoncer aux partisans, et de la manière qu'on le mentionne, là, qu'on le déclare, ils disent « On a commencé l'été passé un reshaping ». Fait qu'ils ont reshapé, ils ont refaçonné un petit peu leur été, l'été dernier, leur formation, avec des transactions et des signatures pour aller chercher de la jeunesse. Ils disent que eux, ce qu'ils cherchent, là, c'est des joueurs compétitifs qui combinent de la vitesse, des habiletés et du caractère. Ça, ce que ça implique. Ils disent « This may mean we lose some familiar faces. Guys, we all care about and respect. » Je traduis. Ça veut dire qu'on va probablement perdre quelques visages familiers. Des gars qu'on a, pour qui on a du respect et pour qui, ben, qui comptent à nos yeux. Ça fait partie de la game, pis c'est jamais facile. Mais par contre, il y a une promesse qu'ils font aux fans. Ce qu'ils disent, c'est qu'ils ont un plan. Et ce plan-là, c'est de prendre le chemin le plus efficace pour bâtir les fondations vers la prochaine conquête de la Coupe Stanley. La formation des Rangers de New York, aujourd'hui, en ce 8 février 2018, il va d'un message qui, moi, à la fin, là, j'avais la chair de poule. Si j'étais un fan des Rangers, j'aurais aujourd'hui grandement l'impression que mon équipe tient à moi en tant que partisan, ne me prend pas pour acquis et me dit les choses telles qu'elles sont pour vrai. Et ça, maudit que c'est le fun d'avoir allé. Les Rangers, aujourd'hui, en ce 8 février 2018, ont annoncé ce qui pourrait ressembler à une reconstruction. Passer par la cave, choisir la jeunesse au-delà du talent immédiat dans le but d'accélérer ou de se rendre au Saint Graal et d'aller chercher une Coupe Stanley. Puis la question que je posais à nos partisans, c'est est-ce que vous aimeriez ça que, un, le Canadien vous jase de cette façon-là, vous parle de manière aussi transparente? Et de deux, est-ce que le Canadien devrait prendre l'exemple sur les Rangers? Et là, je parle bien sûr en termes de mouvement de personnel, en termes de stratégie pour s'enligner vers une Coupe Stanley. Fait que je te lance, Jerry, je te lance, je te permets d'y aller. Vas-y avec ton opinion sur ces deux thématiques-là par rapport à la lettre des Rangers envers leurs partisans. En fait, moi, j'ai adoré parce que ça démontre un peu ce que le Canadien n'a pas nécessairement à Montréal, c'est de la transparence, de l'honnêteté. T'sais, c'est vraiment genre, ouais, ça va pas bien cette année, on se rend compte que notre effectif vieillit, faut se rajeunir. Tu sais, ils ont comme compris un peu la game, puis ils disent, ouais, c'est pas que le club qu'on a que ça va fonctionner. Fait ils ont juste averti que au trade deadline, on va échanger du stock. Fait que si tu tripes sur Zuccarello ou que tu pensais t'acheter un jersey, attends un peu, tu sais. Ton chandail de Lundqvist, là, ça se peut qu'il change de nom. Ouais, c'est ça. Ben, en fait, le pire, c'est que je pense que Lundqvist, c'est probablement un des seuls dans les rumeurs qui est comme intouchable, si on veut. Ben, parce que le contrat, on s'entend, là, il reste 4 ans, il a 35 ans, il est à 8,5, c'est pas donné. Là. C'est un des gardiens de but les mieux payés de la Ligue nationale. Moi, je pense pas que les Rangers ils veulent garder absolument Lundqvist. Il n'y a pas de marché pour un gardien de but avec un contrat à la longue vista. Carey Price, pour moi, est dans la même catégorie. Et avec son nouveau contrat, combien de fois on a jasé jusqu'à maintenant, depuis le début de la saison, et qu'on s'est dit, si le Canadien ne mange pas une partie du salaire, il n'y aura pas de preneur pour le contrat de Carey Price. Même mm-hmm. chose pour Longvis, là. Ouais, ça c'est sûr. Mais, tu sais, il reste quand même que Lundqvist, c'est le king là-bas. Fait à la limite, je pourrais comprendre qu'il garde Henrik Lundqvist. Mais quand même, tu sais, comme les Rick Nash, lui, on en entend parler beaucoup dernièrement. Ouais, il aurait soumis une liste de 12 équipes à laquelle il n'accepterait pas d'être échangé. C'est ça. Puis là, tu sais, t'as des bons jeunes aussi, comme, tu sais, des semi-jeunes là, qui pourraient être échangés, des Zibanejad, il y a Zuccarello qui pourrait être intéressant pour certains clubs, tu sais, McDonough qui pourrait être très intéressant pour beaucoup de clubs, là. Tu sais, c'est con, là, mais regarde de même, McDonough, tu proposes Oilers Edmonton, ça peut être quelque chose qui est très intéressant. T'sais, moi, j'ai vu, ça, je la trouve vraiment drôle, là, Patcherly, de notre bord, qui est très disponible selon beaucoup de personnes. Il y avait une rumeur qui disait que on préfère un échange Patcherly contre McDonough. Puis j'ai comme, non. Pense pas, non. Recycler du vieux stock, ça suffit. Là. Mm-hmm. Puis, mais moi, personnellement, je regarde les Rangers de New York présentement, là, pis sur le trade deadline, ils ont tellement de stock pour se remplir de jeunesse et de pics, beaucoup plus que le Canadien de Montréal. T'sais. Fait que j'ai hâte de voir à quel point ils vont se débarrasser de stock. Puis, ce message-là, moi, honnêtement, je trouve ça tellement clair que c'est comme on part en reconstruction. Je sais pas s'ils vont y aller reconstruction, c'est comme vraiment full pin, là, ou genre faire une reconstruction comme semi-rapide, là, si on veut. Ouais, ben, il y a quelques éléments, là, tu sais. Il y a Nash qui a 33, Zuccarello qui a 30, t'as Grabner qui a 30 ans, Dernet 31, et Cody McLeod qui a 33. Tu sais, qui sont vraiment les plus âgés. Tu sais, McLeod pense pas que ça ait une grosse valeur, Dernet non plus, mais le reste, tu peux aller chercher quelque chose. Ça, c'est en attaque. En défensive, là, regardons le top 4 là, de cette défense-là. Shattenkirk qui a 29, Stahl qui a 31, McDonough qui a 28 et Braden Smith qui en a 29. Là-dessus, tu as Shattenkirk, Stahl et Smith qui ont tous des contrats d'encore 4 ans. McDonough, il reste en fait cette saison et la saison prochaine. Et après ça, les autres, les plus jeunes défenseurs n'ont pas d'entente. Brady Shea là, va vouloir une amélioration de salaire. Là. Ça, c'est sûr. Et tu as des jeunes dans l'organisation qui ont des spots qui vont vouloir venir prendre. Il faut que tu leur laisses de la place. Et tu sais, c'est sûr, là, c'est inévitable. On va faire la comparaison entre les Rangers et le Canadien de Montréal. Ça, c'est sûr. Je viens de parler de la défensive. Là. Le top 4 à Montréal, c'est quoi? C'est pas sûr. Weber, mais mettons, là, théoriquement, selon les salaires, Weber, Petrie, Osner, Schlemko. Je pense que Weber est au-dessus du top 4 des défenseurs des Rangers. Mais le reste, des Rangers dominent le reste. Là. C'est ça, exact. Position 2, 3, 4, 5, si on les met dans les rangs, c'est occupé par les défenseurs des Rangers. Il y a peut-être Petrie qui peut s'insérer, peut-être numéro 4 là-dedans, peut-être. Numéro 3 selon des soirs? Ouais, ben c'est ça. Ben en fait, lui, c'est que l'absence de Weber le fait mieux paraître, mais des fois mal paraître, là, mais dans le sens que même si on trouve qu'il joue comme mal, il enfile les points. Fait que ça peut peser dans la balance pour une transaction. Puis, tu sais, si on se débarrasse de son contrat, pour nous autres, c'est bon. T'sais. Et tu sais, je disais que tu en avais 3 sur les 4 qui avaient 4 ans de contrat encore. Du côté du Canadien, Weber, c'est 7 ans. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais. 7 ans encore. Petrie, c'est 4 ans encore. Osner, c'est 5 ans. Ben, en fait, je dis 5 ans, là, c'est la totalité qui reste donc la saison qui est en ce moment active. Schlemko, il reste un autre. C'est 3 ans qui reste donc 2 ans dans le futur. T'es pas mal menotté. Dans les deux cas, là, t'as des menottes. Mais chez le Canadien, il me semble que les menottes sont encore plus intenses. Ben ouais, mais c'est parce qu'en même temps, t'as pas juste des menottes là, ça. là, t'as une grosse menotte d'un but. T'as des menottes en avant aussi. Ça, c'est... Honnêtement, je vois rien de positif présentement dans le Canadien. Autant pour le trade deadline que pour le futur. Il n'y a rien. J'essaie de faire des trades dans ma tête là, pour le trade deadline parce que j'ai pas d'espoir, mais j'espère qu'ils vont quand même échanger des assets pour des plus jeunes, des picks ou faire une refonte un peu de la fondation. Hein. Puis je regarde les Rangers, puis on dirait que ça brise totalement mon espoir pour le Canadien. Puis le pire, c'est qu'on parle des Rangers en ce moment, hein, mais il y a tellement d'autres équipes. Ouais, puis les Rangers, malgré tout, là, c'est pas un gros club, mais on va retourner, là, je change de page, je retourne dans mon classement de la Ligue nationale. L'air de rien, les Rangers, aujourd'hui, je vous rappelle, en ce 8 février 2018, ont avoué clairement à leurs fans leur plan de match qui est de passer par la case jeunesse pour aller de l'avant dans le futur pour une Coupe Stanley. Et au classement général, en ce moment, les Rangers ont 5 points de plus que le Canadien de Montréal. C'est, pour moi, là, ça, ça en dit très long. La formation des Rangers de New York, ils le racontent, là. 3 finales de conférence, dont une finale de la Coupe Stanley dans les dernières années. Et ils annoncent là, en étant 5 points en avant du Canadien de Montréal, que pour eux, la stratégie pour atteindre la Coupe, ça ne passe pas par patcher. Ça passe par reconstruire. Et le Canadien de Montréal, qui se vante d'avoir été, dans les 4 dernières années, 3 fois en série, mais en réalité, là, son calcul de l'année où est-ce que Price a été blessé, l'an passé plus cette année, c'est pas mal 2 en 3 qui vont l'avoir manqué. Dépend comment tu mets ta fenêtre hein, pour analyser. Cette équipe-là, qui va avoir raté les séries 2 fois en 3 ans à la fin de la présente saison, là, qui est 5 points derrière les Rangers de New York, elle, ce qu'elle propose à demi-mot, c'est un retool. Comme à chaque année. Comme à chaque année. Depuis 93. Du beau patchage à grandeur. En fait, c'est que j'espère quasiment que cette lettre-là crée un précédent, genre. Puis, tu sais, on est souvent centré Canadien de Montréal. Hein. Mais j'aimerais ça que cette lettre-là crée un précédent à travers la Ligue nationale au grand complet. Mm-hmm. J'aimerais beaucoup ça. Tu sais, les Rangers sont hyper honnêtes, sont hyper transparents avec cette lutte. Tu peux pas être plus transparent que ça que d'avouer à tes fans qu'il y a une page qui tourne, puis on s'en va vers d'autres fondations. Pourquoi il y a des équipes qui font pas ça, tu sais? Je vois ça, puis je suis comme, faudrait quasiment genre que tu dises aux autres, ben allez-y puis pas dévoiler votre plan mais comme soyez donc honnête avec vos fans puis dites-leur où c'est que vous en êtes dans votre plan genre ou... Tu te rappelles le show qu'on a fait sur les prédateurs de Nashville? Sylvain oui. avait sorti un article pour nous parler du classement des prédateurs comme étant la meilleure formation de sport en Amérique du Nord et la raison pour laquelle c'était le cas c'est la cohésion avec les fans, la relation avec leur fanbase. Un bon fanbase égale une bonne équipe. Ben, l'équipe, c'est vrai parce que l'équipe, c'est un peu le cœur. Puis tu sais, t'as besoin des artères pour pomper le sang au cœur. Tout c'est à fait. C'est les fans. C'est eux qui gueulent dans l'aréna. C'est eux qui donnent l'énergie à l'équipe. Sans fans, tu joues dans un aréna vide. Mm. Ça sert absolument à rien de faire ce que tu fais. On a une couple d'auditeurs qui ils ont été de commentaires, puis j'ai le goût de les lire. Ben, lâche-toi là. Fait que, tu sais, on commentera, là, je vais y aller un arrière de l'autre. C'est un truc à rajouter, ou si moi j'ai quelque chose, on ira, on se permettra. Mais j'en ai quelques-uns là, que je trouve quand même très intéressants. Il y a Nicolas Desrosiers qui dit « Wow, ça n'a même pas de sens. Le rêve d'avoir ça à Montréal est aussi proche que la Coupe Stanley. » C'est-à-dire bien loin. C'est triste, hein? Oui, c'est triste, mais c'est tellement vrai. Puis, encore une fois, je me répète, mais ça, ça va changer. Mais que la mentalité du club canadien de hockey va changer. Mm-hmm. C'est tout ce... Toute ce, cette mafia-là de l'information, ou peu importe qu'on va dire, c'est l'ancienne mentalité. Puis tu sais, comme dans les anciens... dans des anciens shows, il y a trop d'anciens joueurs d'impliqués encore avec les Canadiens de Montréal. J'ai l'impression que la mentalité ne changera absolument pas parce que tu as tout le temps l'ancien joueur, tu as tout le temps Guy Carbonneau, Gilbert Delorme, ou nomme-les comme tu veux, là. Tout le temps, quelqu'un qui va dire « Ouais, mon temps, ouais, on s'en fout de ton temps. On est en 2017, 2018, 2019, 2024. Ça sera pas comme dans ton temps. Mm-hmm. » La game a changé, puis il faut justement avoir du monde qui ose. Comme John Chayka, exemple, avec l'Arizona, ça marche pas là, mais il ose quelque chose. Ça prend ça, une nouvelle mentalité, un nouveau style, un essai total d'autre chose à Montréal. Ça, ben, il va falloir que nous autres, les fans, on soit capables d'accepter. Je pense que cette année, on est pas mal plus capables d'accepter un changement envers nos Habs. Mm-hmm. Cette semaine, il y a Bertrand Raymond, de RDS, qui a fait un article avec une entrevue avec Serge Chavard, qui a été dans le processus pour l'embauche de Marc Bergevin. Et plus tôt cette saison, Serge Chavard a critiqué un petit peu l'organisation par rapport à comment est-ce que tout ça était géré, le fait qu'il trouvait ça dommage que déjà le club était éliminé, presque au mois de novembre, là, le Canadien est éliminé. Puis, il racontait dans cette entrevue-là que le Canadien, entre guillemets, là, le Canadien, l'entité, avait pas tellement aimé ça que Serge Chavard parle contre l'organisation. Ben, c'est sûr. Mais en même temps, ça fait du bien de voir quelqu'un qui est honnête aussi. Je trouve ça très intéressant que le « i », le grand Canadien, là, l'entité, soit pas content quand une de ses anciennes vedettes, qui a une excellente résonance auprès du public, va parler contre l'organisation. Au lieu de se demander puis de se regarder le nombril, hey, y a-t-il quelque chose qu'on fait pas correct qui fait en sorte que les gens nous critiquent et qu'on devrait s'améliorer pour plus qu'on ait de critiques? Mm-hmm. Le Canadien, c'est pas ça la réflexion. Non, c'est hey, ne parle pas contre nous, c'est mal. Pour moi, là, ça, là, c'est un biais complètement cognitif, là, un biais cognitif qui est flagrant. Là. Tu ne peux pas te remettre en question si ton mode de réflexion, c'est de mettre la faute sur l'autre quand il y a quelque chose qui te déplaît. Si t'es pas en mesure de te questionner sur ta situation puis qu'est-ce qui génère les commentaires, peux-tu vraiment être en mode « je m'améliore et je travaille sur moi-même pour y arriver ». Pas sûr. Mais ce qui est dans le fond, c'est que la communication a un sens. Hein. Ils nous disent des trucs, mais ils acceptent pas ce qu'on leur dit. Puis tu sais, que ce soit Serge Savard ou peu importe là, l'analyste ou le fan moyen, on dirait qu'ils sont vraiment axés sur on pense comme ça, c'est la bonne manière de faire, peu importe ce que les autres vont dire, peu importe ce que les autres équipes vont faire, c'est nous. Que la bonne façon de faire. Sont tellement. Des fois, j'ai l'impression que le Canadien. En fait, pas j'ai l'impression, c'est. Je ne suis pas sûr que tu es d'accord avec moi, là. Le Canadien est arrogant. Je les trouve très, très arrogants. Même avec la dernière conférence de presse de Marc Bergevin, que oui, des fois, il a admis certains torts, des trucs comme ça, mais encore une fois, il devient arrogant avec les années. Mm-hmm. Là, ça fait combien de temps? C'est cinq ans. Ça fait 5 ans qu'il est là. Puis on est obligé d'admettre que son club est moins bon que quand il l'a eu. Oui, tout à fait. Vieillissant, plus vieux, plus lent, menotté encore, plus menotté parce qu'il rajoute des contrats de Mongols. Puis honnêtement, là, petite parenthèse, Plekanec, 2 ans, 7 millions. Je suis sûr que ça va arriver. J'ose espérer que ça ne sera pas le cas, mais la triste réalité risque de te donner raison. C'est minimum 5 millions, encore pour 2 ans. Ouais. Je te le dis, si ça arrive, là, je décroche. Il y a Pierre-Luc Bouchard qui, dans le fond, il tourne ça un petit peu en question, puis après ça, il va y répondre. Il dit « Question. À quand remonte une transparence similaire ou même semblant de transparence envers les fans du Canadien? » Sa réponse, là, dans le fond, il dit « Le fanbase des Rangers est solide, probablement aussi autant que celui du Canadien. Pourquoi le CH, la compagnie, n'aurait pas besoin d'être aussi transparent? Est-ce que ça place les Rangers en position de faiblesse face aux autres DG en sachant qu'ils sont vendeurs? » Une lettre, dans le fond, d'avoir produit une lettre comme ça et d'avoir envoyé ça aux fans, est-ce que ça les menotte en termes de négociation sur le marché? Mais moi, je pense pas. Reste que tu as des assets intéressants. Si quelqu'un t'appelle pour un asset, t'es pas obligé de le donner. OK. Mais mettons, là, demain matin, là, c'est la date limite des transactions. Les Rangers sont à la place où est-ce qu'ils sont. Se rangent dans le clan des vendeurs. Ça, normalement, ça devrait diminuer ta valeur, ton pouvoir de négociation, non? Oui, mais théoriquement. Mais en même temps, c'est que de l'autre côté, soit tu te places en position de vendeur. De l'autre côté, il y a des gens qui se placent en position d'acheteur. Et au nombre de formations qui sont acheteuses versus le nombre de formations qui sont vendeuses, ben, même si tu, théoriquement, baisses ta valeur de négociation, ton pouvoir de négo, je pense que la force du nombre de gens qui pourraient être intéressés à tes actifs vient compenser ça largement. Et en plus, de dire que tu es en mode reconstruction, et que tu veux ramasser plus des jeunes et des assets pour tes joueurs, pour moi, ça ne fait que lancer l'alarme de « Hey, tel joueur que tout le monde pensait qu'il était indisponible. » Mettons McDonough, parce que je pense que c'est celui qui a la meilleure valeur dans le lot, avec peut-être Rick Nash, mais même là, t'sais, il devient UFA à la fin de la saison. Fait que, prenons l'exemple de McDonough. Là. Il est avec un contrat de 4,7 pour encore 2 ans. Là, pour un défenseur qui est facilement numéro 2, voire numéro 1, dans 99% des clubs de la Ligue. Là. Même si tu es en position de vendeur, tu dis que tu veux de la jeunesse et que tu es en mode reconstruction, tout ce que ça fait, c'est que les clubs qui jamais n'auraient peut-être osé proposer une transaction pour McDonough, là, vont le faire. Si le mot se circule dans la Ligue, à savoir que McDonough devient disponible, tu auras nécessairement enchère. C'est sûr. Si tu as enchère, tu as ce que tu pourras avoir du côté, comme l'Avalanche et les Sénateurs, pour Matt Duchesne. Tu as un joueur qui, normalement, ne devrait pas bouger d'une formation. Tu dis qu'il est disponible. Tout le monde se demande c'est quoi le prix. Tout le monde négocie. Et il y a une course pour le ramasser. Si le talent est là, moi, je pense que c'est pas un problème. Non, c'est con, mais juste le fait que Rick Nash soit disponible, son contrat vient échéance à la fin de l'année. Mm-hmm. Devient... Moi, là, mettons, là, t'es le DG d'une équipe aspirante pis qui veut ajouter un scoreur ou un gros joueur ailier gauche à ta formation. Et tu te dis dans ta tête, bon, je vais aller chercher Rick Nash ou Max Pacioretty. Ben, moi, je prends Pacioretty en premier, là. Oui, sauf qu'en même temps, si tu prends Rick Nash, ça finit à la fin de l'année. Oui, c'est vrai. Fait que tu te libères d'un contrat. Même si Pacioretty est moins cher, Rick Nash, sa valeur peut être un petit peu moindre à cause de la fin de son contrat, qui est un petit peu plus vieux. Reste que tu vas avoir un bon ailier gauche pareil. Oui, tout à fait. Tu as quelqu'un qui peut t'aider. Mais c'est pas le gars qui a le plus performé en série, mais oui, c'est un supplément. Puis, ben écoute, son 7,8 à la fin de la saison, c'est des peanuts là, quand même. C'est ça. Salarial. Si tu veux quelqu'un qui performe en série, je veux dire, je te donne un choix entre Nash puis Pacioretty. Tu sais, une formation qui se dit, moi là, je suis à un ou deux éléments près d'être aspirant pour la Coupe Stanley, pas juste cette année, mais pour 2 ou 3 ans. Pour un impact sur une masse salariale qui n'est pas énorme, on parle de même pas 10 millions. Tu peux ramasser Pacioretty et McDonough et rajouter ça dans ton club. Deux joueurs qui sont de premier, deuxième trio dans le cas de Pacioretty, selon les équipes, et McDonough qui va être sur le premier ou deuxième duo de défenseurs. Tu viens de changer, tu viens de pimenter ta formation pour même pas 10 millions de dollars. C'est ça. Puis tu sais, David Poile, là, qui est savoir, qui est à la recherche d'ailier gauche, de se renforcer à l'attaque pour les séries, parce que lui, honnêtement, cette année, je pense qu'on peut penser qu'il est all-in. Mm-hmm. Avec une participation à la finale l'année passée, puis encore un très, très bon club, si c'est pas encore meilleur. Tu sais, je veux dire, quoi, en même temps, des fois, quand tu vas chercher des joueurs, ça peut briser une chimie, puis ça, tu sais, ça peut créer des petits problèmes, là, mais je pense que, mettons que tu regardes David Poile, puis tu dis, moi, je vais chercher Nash, puis je l'amène à Nashville. Tu peux pas être perdant avec ça. Puis en plus, tu donnes presque rien. Puis, je veux dire, eux autres, ils ont quand même une bonne banque, je pense, de prospects. Là, je les connais pas vraiment tous les prospects, mais tu sais, même encore là. Ben, moi, tu sais, être Nashville, je suis prêt à offrir un premier choix pour Nash parce que le premier choix va se ramasser à être 30e, 31e. C'est un deuxième, dans le fond. Mais tu sais, quand je te lançais la réflexion à savoir, tant qu'à ça, pourquoi pas ramasser Pacioretty et McDonough, j'allais plus loin dans ma réflexion en me disant, même l'an prochain, il y a deux équipes qui sont capables de se le permettre et qui cette année déjà sont dans le portrait des séries. T'as Vegas et t'as le New Jersey. Ces deux formations-là ont autour de 67 millions de dollars de dépensés sur le plafond. Avec le 10 millions, sont encore corrects parce que le plafond va augmenter. Et tu viens de rajouter ton premier ailier gauche et peut-être ton défenseur numéro 1, voire numéro 2. Tu viens de te donner un Christ bon vers l'avant, là. Surtout pour New Jersey, je pense que ça serait solide. Mais Vegas ont les choix pour pouvoir ouais, faire ça, tu sais. Oui, c'est sûr, mais reste quand même que Vegas, je pense que... Je sais pas. J'ai tellement l'impression que Vegas sont dans leur monde à eux autres là, en ce moment. Là, David Perron disait en entrevue que lui, puis en fait plusieurs des boys de l'équipe, ils en veulent pas de renfort. Ils veulent pas que tu viennes briser la chimie. Ça fonctionne bien en ce moment. Brise rien. C'est sûr. Puis en même temps, si tu apportes un joueur pour un choix de rôle, mais tu tasses quelqu'un, puis ça va te faire chier les autres joueurs. C'est ça aussi, là, quand je te dis, des fois, quand tu apportes des nouveaux joueurs, ça peut créer peut-être des petites frictions, pas entre les joueurs. Je dis, ça reste quand même une business, puis c'est pas de la faute des joueurs si l'autre est amené ou peu importe. Mais Vegas, là, j'ai vraiment l'impression qu'en ce moment, là, c'est un monde à part. Ils sont vraiment dans une bulle, puis. Moi, être McPhee, je pense que je toucherais absolument à rien. Puis tu sais, je veux dire, encore là, tu touches à rien, ça va super bien. Puis même si tu t'es en série, tant mieux. Puis même si tu vas pas loin, t'es rentré en série pareil, tu sais. Ouais. Puis avec les choix de ronde, justement, qu'ils possèdent, peuvent juste comme agrandir leur banque d'espoir. Puis c'est con, là, mais en ce moment, Vegas a un futur plus rose que le Canadien. C'est une équipe d'expansion. T'sais. Sérieusement, j'entends du monde. On aimerait quasiment ça, avoir une équipe d'expansion à Montréal. C'est rendu plate de dire qu'on a un DG qui est là depuis 5 ans, qui avait quand même des bons éléments, qui a scrappé un peu le team, puis une équipe qui vient d'être formée par du monde qui n'ont pas été protégés dans leur équipe. C'est sûr que, bon, il y a quand même des Christy de bons joueurs qui se sont greffés à cette équipe-là, dans le sens que Marc-André Fleury. C'était un maudit bon choix. T'sais, oui, on fait quelques petits trades ici et là, mais rien de majeur. Marchessault, l'année passée, était solide. Je trouve encore que c'est un feu de paille, mais un feu de paille qui dure très longtemps. Mettons. Puis, David Perron, c'est encore un très bon joueur. Là. C'est juste que des fois, ils ne sont pas dans les bonnes chaises. Puis là, ben, il arrive à un club, puis ça fait juste comme marche-moi à Vegas, m'impressionne cette année, ça n'a juste même pas de sens. Il n'y a personne qui peut avoir vu Vegas premier de leur section aujourd'hui. Puis moi, je considère que Poile, en fait, non, McPhee a pas généré la meilleure formation possible. En plus. Mais encore là, tu sais, des fois, c'est le petit côté caractère, le petit côté. je pense que tous les boys de cette équipe-là veulent juste comme prouver que oh ouais, mais regardez, man, on va être solide. Puis sérieusement, ils ont tellement pas de pression. Puis même s'ils rentrent en série, ils ont pas de pression. Que je pense que c'est juste plus facile de jouer du hockey. Là. Ouais. Je sais qu'il y a, bien des discussions à savoir, tu sais, McPhee, qu'est-ce qu'il doit faire? Est-ce qu'il donne la chance à son équipe telle qu'elle est de se prouver en série? C'est une option. Est-ce qu'il devient acheteur pour bonifier sa formation? C'est une option. Ou encore, il se maintient par rapport à son plan initial et qu'il devient vendeur? Et sincèrement, moi, cette année, je le sais là, que c'est vraiment une équipe. L'histoire est vraiment belle, puis il se passe de quoi, là. Mais je suis convaincu que l'an prochain, la drop, elle va faire mal en tabarnak. Oui, ça se peut beaucoup, même. Et dans cet objectif-là, est-ce que vraiment ils ont ce qu'il faut pour pouvoir se rendre jusqu'aux gros honneurs? Jusqu'aux grands honneurs? Je sais pas. Moi, j'ai vraiment des gros doutes, là. Ouais. Ben, en fait, je comprends totalement, mais je peux jamais des phrases là, typiques puis des cassettes, là, mais tout peut arriver en série. Là. C'est pas vrai. Non, mais je le sais. Mais reste quand même que la Caroline de 2006 devait pas gagner la Coupe cette année, puis ils l'ont gagné, tu sais. Vegas, cette année, pourrait se rendre, même encore là, je veux dire, honnêtement, là, Vegas se rend en finale de l'Ouest. Ça va être une victoire, genre. Le fait qu'il rentre en série, pis là, je parle vraiment pas du côté business, je parle vraiment du côté comme fierté de l'humain qui joue pour Vegas, là. Pour des joueurs comme ça, se rendre en série en partant, c'est solide. Pis c'est une claque d'en face au reste de la Ligue nationale qui fait, tiens, on est un club de plombiers ou de plombiers de luxe, puis on est rentré dans la série. Pis tu sais, s'ils se rendent maintenant en finale, ben, tant mieux. Pis s'ils se rendent en finale de la Coupe, wow, tu sais, quelle histoire, je veux dire, Disney sort un film l'année prochaine, ça va être Go Vegas, là, ou je sais pas quoi, là, tu sais, c'est, moi, je trouve juste que c'est une belle histoire, c'est sûr que c'est quasiment rendu un objet de marketing cette année pour la Ligue nationale, là, Vegas, là. Mais c'est juste beau, petit, honnêtement, j'ai regardé une coupe de match de Vegas, là, cette année, là, puis ils sont quand même très beaux à voir jouer. Ouais, j'écoutais le match contre les Penguins de Pittsburgh, et très bel hommage, ouais, hein, la part des Pingouins. C'est juste, c'est un peu ordinaire, par contre, d'avoir tassé ton gardien de but qui t'a mené jusqu'en finale de conférence après un mauvais match, de le tasser pour le kid. Mais bon, en même temps, le kid avait déjà une coupe derrière la cravate, il est plus jeune. Bon, je comprends business, mais pour l'être humain, pour Marc-André Fleury, tabarouette que je l'aurais pris de travers. Puis je suppose qu'il l'a pris de travers aussi, là, mais en tout cas, c'était beau à voir, c'était le fun. Ouais, ben en fait, c'est. Puis j'ai vraiment adoré cet hommage-là. Moi, j'ai eu des frissons bien raides, là. Mais je sais pas à quel point les Pingouins regrettent cette décision. Parce que Matt Murray, là, il est déjà étiqueté fragile. Il est. Je veux pas aller aussi loin, là, mais c'est-tu le prochain Rick DiPietro? Si c'est le prochain Rick DiPietro, là, ils vont-tu s'ennuyer de Marc-André Fleury? Peut-être. Tu sais, les deux dernières saisons qui ont été en finale de la Coupe Stanley, là, quand Matt Murray marchait pas, c'est qui goulait? C'était Fleury. Ouais. Puis Fleury remettait le club sur les rails jusqu'à ce que Matt Murray revienne. Cette année, si les Pingouins sont en série, puis Matt Murray fonctionne pas, je suis bien désolé, là, mais c'est pas Jarry qui va être bon comme deuxième goaler. Là. C'est pas lui qui va avoir l'expérience des séries. C'est pas lui qui va amener le club à gagner. Si oui, tant mieux, mais tu sais, Fleury, c'est l'expérience, c'est le calme. Tu sais, ce gars-là, il a tout le temps l'air comme hyper relax. Là. Fait que l'expérience qu'il y a aussi avec les joueurs, je pense que cette année, s'il rentre en série et ça fonctionne pas, ça se peut qu'il fasse le saut. L'avantage, c'est que passé cette saison-ci, il y a 2 ans de contrat. Fait que si vraiment la pression d'être numéro 1 est trop forte, il n'est pas capable d'assumer, trop fragile, ben ils sont pas pognés avec longtemps. Ouais, c'est sûr, mais. Puis en plus, il coûte presque la moitié moins que Fleury. Fait que il y a quand même un guess qui était là à l'avantage de Murray. Je peux, tu sais, avoir été à la place de... C'est Shiro qui est le DG? Non. C'est... Donne-moi du Rutherford. Ça. Rutherford, oui. Shiro, ouais. C'est New Jersey. Tu sais, à la place du DG des Pingouins, j'aurais pris le même guess. Là. On aurait tous fait la même chose, c'est normal. Il est plus jeune. Il a, comme tu dis, il y a déjà deux coupes Stanley derrière la cravate. Le choix est évident. Là. Je veux dire, c'est écrit dans le ciel. Reste quand même que, même encore là, cette année dans la saison, on voit à quel point Marc-André Fleury manque à cette équipe-là. Tu sais, oui, il y en a qui se sont levés. Tu sais, que Phil Kessel, il est à quoi? À 2-3 points de la tête des meilleurs pointeurs. Il est comme, ce gars-là, comme embarqué dans le fusée, là, puis il a fait juste monter tout le temps. Tu sais. Mais reste que, dans les buts, Marc-André Fleury va manquer, s'il rentre en série, il va manquer incroyablement aux Penguins de Pittsburgh. C'est mon opinion. Oui, non, je le sais, puis je suis bien d'accord. Kessel est deuxième avec 65 points, Kucherov est premier avec 66. Bon, tu vois, un point de la tête. Là. Mais exemple, c'en est un, ça, c'est un bel exemple. En plus, c'est dans le même club. Phil Kessel, quand il était en position d'être le leader d'une formation, de traîner un club sur ses épaules à Toronto, ça ne fonctionnait pas. Il n'y a pas ce qu'il faut. Mais en complément d'un super bon club, ça fonctionne. Il est capable de générer full point, mais il n'y a pas la pression d'être le leader. Est-ce que Matt Murray, c'est la même chose? Peut-être. Je sais pas. Ouais, mais Phil Kessel, là, ça a tout le temps été un cas très spécial selon moi. Là. Parce que même quand il jouait avec Toronto, il finissait tout le temps les saisons avec 70-80 points. Puis tu sais, dans un club qui fait pas les séries, qu'il est mauvais puis tout, là, c'est quand même un bon exploit. Mets Phil Kessel à Toronto présentement, puis il torche des culs encore. Là. Il fait une saison de 80 points en 2013-2014 avec Toronto. Ben c'est ça. Une saison de 82. Ouais, non, c'est ça. Il y a toujours eu... il y a une saison de 52 points là, qui était vraiment plus basse, mais tu comprends ce que je veux dire. C'est que oui, même si le gars génère des points en attaque, c'était pas un leader pour cette formation-là. Et rendait-il tant que ça ses coéquipiers meilleurs? Je le sais pas. Toronto, eux, ont pensé que non. Quand ils ont eu le prix qu'ils souhaitaient pour, l'ont passé à un autre club qui, elle, avait pas besoin de se fier sur Kessel pour être le leader. Puis, gars, ça fonctionne. Le comparable, c'est juste ça, là. Leader versus pas leader et donner des bonnes performances. Est-ce que Matt Murray, sachant qu'il y avait quelqu'un en arrière de lui, qu'il y avait un mentor, le veut pas, Fleury, il devait être en mesure de parler de la game puis de comment ça se passe puis de le calmer, là. Mettons que t'as des moments stressants, là, en tant que gardien de but, là, surtout en playoff. Est-ce que Marc-André Fleury était... Tu sais, des tomates, là, quand tu fais pousser ça, là. Tu mets toujours un guide, hein? Tu mets un bout de bois là, pour que la tige puisse pousser drette. Ben, peut-être que Marc-André Fleury, c'était le guide pour le plan de tomate qui est Murray. Là. Ça se peut, là. Puis ça a bien l'air d'un super beau plan de tomate, mais en réalité, il n'aurait peut-être jamais poussé douette s'il n'y avait pas eu le petit guide. C'est-tu que je suis poétique? C'est quelque chose, ça. C'est, je m'essuie les yeux présentement. Je sais. Changement de sujet. Cette semaine, la presse y a été d'un article que j'ai trouvé quand même très intéressant. Un article qui se nomme « Partira, partira pas ». C'est un dossier qui est par Richard Labbé, Jean-François, Guillaume Lefrançois et Jean-François Tremblay. Et dans le fond, ils ont demandé à quelques recruteurs de se prononcer sur certains éléments qui pourraient quitter le Canadien de Montréal. Bien sûr, on commence avec... T'as-tu lu l'article, Jerry? J'ai pas lu l'article, mais pas en sûr que je suis capable de donner 3-4 noms. Regarde, je vais te le copier dans Messenger, question que tu puisses le consulter en même temps. Ça, c'est du live. voilà, c'est parti. Donc, le premier nom, c'est Max Pacioretty. On parle de sa fiche, 33 points, 53 matchs, 4,5 millions de dollars, devient joueur autonome sans compensation en 2019. Et là, il y a un recruteur qui dit son meilleur centre en carrière a été David Desharnais. Peu importe ce qu'on en dit, il n'a jamais été placé avec un centre numéro 1. Et malgré tout, il a quand même toujours généré des gros chiffres. Il y a le même recruteur, il parle de le bémol, c'est qu'en avantage numérique, Max Pacioretty a jamais été très, très efficace. Fait que c'est ça, là, les trucs, c'est pas mal ça. qu'on mentionne. Tu es pas mal d'accord avec ça, toi? Ben oui. Ouais, OK. Et moi, je trouve ça un petit peu dommage. Je te prononce pas à savoir si le gars devrait partir ou pas. Je suis un peu déçu. Ouais, ben en fait, parce que c'est un peu difficile. D'un, c'est le capitaine. Puis là, c'est quand même le cinquième meilleur marqueur depuis 2013. De la Ligue, là, pas juste du Canadien. Fait que il y en a sûrement qui ont espoir aussi de le voir rester à Montréal, d'être encore bon. Mm-hmm. Il y a un des recruteurs qui dit il y a un joueur similaire sur le marché, c'est Evander Kane, mais plus intéressant à cause de son contrat. OK, Evander Kane en avant. Bon, c'est ce que lui croit. Il dit je pense que les Sabres demandent un espoir de premier plan, un choix repêchage et un joueur établi en retour de Kane. Le Canadien pourrait essayer d'obtenir la même chose. Même plus, selon moi. Si le Canadien n'a pas plus que les Sabres de Buffalo pour Kane, pour Max Pacioretty, Fire Bergevin au plus maudit, là. On est déjà en retard sur le Fire Bergevin. Oui, mais tu sais, on aura une autre raison pour avoir une valeur étalon, là. Oui, bien, effectivement. Parce qu'en plus, si Kane se fait échanger avant, je veux dire, la mise en marché est faite. Là. C'est Kane, regarde, négocie pas, là. Je veux dire, ils ont eu ça pour Kane. Je veux ça même plus. Mm-hmm. Quitte à avoir la même chose. Tu sais, honnêtement, pour Evander Kane, si son gars d'avoir un espoir de premier plan, un choix de repêchage puis un joueur établi, qui est quand même jeune sous le 25 ans, je pense qu'ils ont été en business. Puis personne ne va chialer le départ de Tomáš Plekanec. Pas Tomáš Plekanec. De Max Pacioretty. Si on a ça pour Tomáš Plekanec, on donne une prolongation à Bergevin. Oui, clairement. Plekanec, c'est le deuxième nom dans la liste. C'est peut-être pour ça que... C'est pour ça, oui. Ouais. Plekanec, là, il y a un des recruteurs qui dit, Vermette, Chicago est allé chercher pour un choix de première ronde. Si le Canadien a ça pour Plekanec, ça va être un gros bonus. Mais lui, il croit plus que ça va être un choix de deuxième tour et peut-être, en plus, un espoir de second plan. Si on a ça pour Plekanec, signe fort, quatre copies, puis merci, bonsoir. Là, c'est, je paye les times sur le fax. Là. Ouais, ben, je suis d'accord, puis évidemment, ça serait magique, mais moi, je suis, puis c'est pas que ce que je veux, là, mais je suis sûr que Plekanec re-signe à Montréal pour 2 ans, puis ça va être minimum 5 millions. Dommage, en maudit. Mais je crois que s'il est échangé, moi, on s'en sort avec un quatrième choix. Pas moins que ça. Puis en même temps, honnêtement, je serais content. Parce qu'on a juste plus Plekanec, puis on a un choix de 4. De toute façon, Plekanec, tu le perds à la fin de l'année. Là. Mais là, imagine, là, le Canadien, on a échangé Nathan Beaulieu pour un choix de 3. Et pour Plekanec, on aurait un choix de 4. Ouais. Encore là, ça fait pas de sens. Ben, moi, c'est mon opinion. Puis tu sais, c'est parce que c'est Bergevin aussi, puis... C'est con, là, mais il parle de Chicago. Là. Je serais du genre à le voir échanger Tomáš Plekanec à Chicago pour un choix de 4 pour le reste de l'année. Là. Chicago leur signe pas, là, c'est sûr. Arc. Mais quand même. Puis si on a un choix de 3, je vais être content. Mais si on a un choix de 2, hey, wow! Je signe les 4 copies, moi, avec. Là. Mm-hmm. On paye FedEx. On s'engage à payer FedEx. American Express. Ah oui, on met la grosse patente. Troisième nom qu'eux mentionnent, c'est Alex Galchenyuk. Puis là, ben, on souligne là, sa réputation hors glace. Ça joue encore contre lui. Ça diminue sa valeur. Blablabla. Bla, bla. Mais tu sais, Evander Kane est capable d'avoir un plus gros prix que Max Pacioretty. Je vois pas pourquoi que Alex Galchenyuk ne générerait pas de l'intérêt, là. Ça, c'est biaisé. Honnêtement. De un, j'échange pas Galchenyuk. Moi non plus. Et de deux, si tu l'échanges, à 23 ans, 4,9 millions jusqu'en 2019-2020, je m'excuse. Ce gars-là a 31 points en 53 matchs. Cette année, sa saison va sûrement être meilleure que l'année passée. Bon, pas trop difficile parce qu'il a joué moins de matchs l'année passée parce qu'il était blessé. Ce gars-là s'améliore d'année en année. Ça fait 4 ans que je le répète sur le show que ce gars-là ne fait que s'améliorer d'année en année. Tout ce qui manque en ce moment, c'est de le laisser jouer au centre. La seule affaire que je verrais qu'il ne jouerait pas au centre et qu'on ne saurait pas, là, c'est que Galchenyuk lui-même ne veut pas jouer au centre parce qu'il ne se trouve pas efficace ou peu importe. Là. C'est peut-être juste ça l'entêtement. Là. Je le crois pas. Mais dernièrement, là, je regardais des matchs canadiens, même si, bof, c'est moyen, là, mais Galchenyuk s'est amélioré dans son jeu. Patine plus en entrée de zone, des très bons replis défensifs, il est quand même capable de produire offensivement. La chimie avec Drouin, je crois, l'aide beaucoup. Puis je suis très content de voir Sherbak monter. Là, je sais qu'il joue pas tout le temps avec. Mais Sherbak est monté, puis je sais pas, je trouve que ça fit ensemble. Moi, je comprends pas pourquoi on tente pas Drouin, Galchenyuk, Sherbak. Moi non plus. Tu sais, de mettre Galchenyuk au centre. Puis le pire, c'est que quand Drouin s'est blessé la dernière fois, puis qu'il est parti, là, il s'est blessé au côte, là, il a joué un peu au centre. Oui. Il a gagné des mises en jeu là, en zone offensive. Mm-hmm. Il est capable de jouer centre. Puis tu sais, c'est con, mais je suis en train de me demander si justement... Puis bon, je ne l'écouterai pas chaque jour, mais est-ce que Claude Julien aide vraiment Galchenyuk? Puis peut-être qu'il l'aide en ce moment. Est-ce qu'il est en train de faire avec Galchenyuk ce qu'il voulait faire avec Séguin, puis ça n'a pas fonctionné avec Séguin? C'est pour ça que bon, ça n'a pas marché, blablabla. Tu sais, Galchenyuk, là, ça fait un bout, puis on va se dire qu'il ferme sa gueule. Là. Tout à fait. Il chiale pas, il joue, il se laisse aller, puis il commence à être vraiment meilleur défensivement. Est-ce que Claude Julien est en train d'essayer de faire avec Galchenyuk le prochain Bergeron? Peut-être. Hey, s'il réussit ça, on va capoter. Là. Ben, peut-être. Mais, en tout cas, j'extrapole, là, on va se le dire. Mais bref, Galchenyuk, pour moi, n'a pas d'affaires dans cette liste-là. Reste à Montréal. Il a 23 ans. Puis ça, c'est une affaire. Il va falloir que le monde se mette en tête parce que du monde, oh, tu sais, Suzanne qui est dans la ligue, échangez-le, blablabla. Non, il a 23 ans. Il n'est même pas encore dans le pic de sa carrière. Puis il performe. J'ai rien d'autre à dire. L'article continue en nous parlant de ceux qui ne devraient pas bouger. Là-dedans, là, il y a quelque chose qui m'interpelle beaucoup. Là. On parle de Shea Weber, Jeff Petrie, Jordy Benn et Carl Osner. C'est moins ou c'est pas mal quatre de tes cinq meilleurs, entre guillemets, défenseurs de ton club. Si le problème cette année, c'est la défensive, puis il n'y en a pas un maudit que tu es prêt à laisser aller. Ouais, mais encore dans le texte, ils disent que c'est des joueurs qui ne devraient pas changer pour plusieurs raisons. La lourdeur du contrat, ça, c'est des trucs que je peux comprendre. Mais Jordy Benn à 1 million, je peux pas croire que personne ne prendrait pas un guess avec un défenseur de profondeur. Weber, ça, je peux le comprendre. Cher. Mais reste que c'est chez Weber. Fait que, dépendamment du prix, je suis pas mal sûr que quelqu'un est capable d'aller chercher ça. Carl Osner, la seule raison, puis ça, tu le répètes quasiment à chaque chose, la seule raison qui fait que ce gars-là ne sera pas échangé, c'est qu'il vienne de signer à Montréal. Puis c'est une question d'orgueil, là. Oui, ça, c'est sûr. Sauf que reste que ça serait pas vraiment la seule raison qui fait, parce que Carl Osner est mauvais. Jeff Petrie, par exemple, moi, je pense que c'est un des défenseurs qui aurait le plus de valeur sur le marché. Il y a 25 points en 53 matchs. Puis c'est con à dire, mais les derniers matchs canadiens, là, si vous ne l'avez pas regardé le Canadien, ça ne score pas beaucoup de buts. Okay? Puis dans toutes les offensives, dernièrement, Jeff Petrie est dedans. Fait que s'il y a un club qui veut un défenseur droitier offensif qui va jouer dans la bonne chaise, je pense qu'on peut trouver preneur. Cette semaine, il y avait à Ongeas, puis je pense que ouais, c'est Mathieu Petit qui, dans les questions, il demandait, parce que dans l'article, le dernier nom de la liste, c'est Nicolas Deslauriers. Il y a eu une question là, cette semaine à Ongeas, à savoir Deslauriers, tu le signes-tu, tu l'échanges-tu? Si oui, combien tu le signes? À combien tu es prêt à l'échanger? C'est quoi le prix pour l'échanger? Puis je voulais avoir ton avis là-dessus. En fait, je suis vraiment content que tu m'en donnes mon avis, parce que j'avais justement quelque chose à parler de Nicolas Deslauriers. Nicolas Deslauriers parle français, fin. Nicolas Deslauriers, il est gros, fin. Il patine vite, fin. Il plaque le monde, c'est cool. Il a fait une coupe de but, merveilleux. Faudrait juste arrêter de déployer le pont d'or à des joueurs comme ça. Je m'explique. Nicolas Deslauriers, entre tout et moi, on est bien d'accord pour dire que ce gars-là, c'est un max troisième trio. C'est généreux, mais OK, ouais. Je suis généreux, mais c'est max. Moi, c'est un quatrième trio. Peut dépanner sur une troisième ligne. Ce gars-là ne devrait pas jouer sur les deux premiers trios du Canadien. Il l'a fait récemment. Ça a fonctionné. Je vais vous donner des noms de joueurs dernièrement qu'on a eu dans les années. Bref, dingue, j'essaie d'en trouver plus, puis j'en ai juste un. Là. Dale Weiss. Je rappelle ça parce que Dale Weiss a signé un contrat de 4 millions et des poussières à Philadelphie. Est-ce qu'on entend encore parler de Dale Weiss? Non, il était scratché. D'ailleurs, depuis, je pense, comme depuis le 4 janvier qu'il n'a pas joué, on a fait la même. Ben, c'est ça. 4 millions pour être scratché. Moi, Nicolas Deslauriers, là, en disant ça, je ne dis pas que Nicolas Deslauriers, je ne le signe pas. Parce que Nicolas Deslauriers, sa plus grande qualité, il travaille. Je pensais que tu allais dire qu'il parle français. Non. Non, arrête-moi ça. Si je dis ça, tu me frappes à travers mon micro. Ce gars-là travaille, il lâche pas, il plaque. Tu sais, honnêtement, je sais pas il est où dans le classement, mais je pense qu'il est dans le top 5, top 10 de la Ligue nationale pour les mises en échec. Ce gars-là, il est fatigant de jouer contre. Là. Mm-hmm. On en a besoin, les joueurs de même. Mais on en a pas besoin à 4 millions. Non, ça, c'est gars-là, à 1,5 million, 3 ans, je crois là, qu'il va signer. Je pense que oui. Pas plus. Il veut deux, too bad le gros, va ailleurs. Puis tu sais, moi, ce qui me gêne beaucoup là, quand on parle de ça, là, parce que dans la discussion, il y a Gaston là, qui il voulait pas répondre, mais à 2 millions pour pendant 3 ans, là, 2 millions chaque année, donc un contrat de 6 millions au total, il était prêt à le signer, mais il disait pas à partir de quand il arrêtait, tu sais. Qui arrêtait... Ben, de monter, mettons, 2.1, t'acceptes-tu? Parce que c'était ça, là, la question. Mettons, là, je te dis, OK, 1.5, tu le signes. 1.6, ouais. Tu le signes-tu? Non. Ça, c'est vraiment bien. 1.5. Ouais, 1.5, gros max. OK. Pas plus que ça. C'est pas ce qui vaut de plus. C'est un joueur de quatrième trio. Il va falloir arrêter de donner des espèces de contrats de mongol. Là. Je comprends là, que ce gars-là performe en ce moment, puis tant mieux, mais... Il performe dans une mer de joueurs qui ne performent pas. Oui, c'est ça. Le niveau est tellement bas que... C'est ça. Ce gars-là... C'est pas pour rien que le gars s'est fait monter ses deux premières lignes. C'est pas pour rien. Mm-hmm. Puis tant mieux, ça y a fait du bien. Tu sais, ça dit genre un joueur de quatrième trio qui a relancé sa carrière chez le CH. C'est vrai. Mais le gros mot qu'il faut voir là-dedans, c'est quatrième. Et relancé. Ça veut pas dire que ça va se maintenir. Dale Weiss. Et dans cette discussion-là, je pense que l'autre nom qui était mentionné pour justifier le salaire de 1, c'était de dire « Ouais, mais mettons, Andrew Shaw, il fait presque 4 millions. » Fait que Deslauriers ouais. peut valoir la moitié, mais c'est pas parce que t'as fait une erreur d'un bord que ça justifie d'en faire c'est une de l'autre. En plein ça, Andrew Shaw est une erreur. L'acquisition n'est pas une erreur. Ce qui en est fait, une erreur. Le prix payé pour l'acquisition et en plus de le signer ouais. aussi cher, c'était une grosse bourde. Surtout le joueur en tant que tel. RFA. Oui, c'est ça. Ben ça, on l'a mentionné l'an passé. Là, je l'ai dit en long et en large, puis je pense que l'argumentaire était assez béton. C'est ça. C'est, tu peux pas justifier une erreur par une autre. Si le but, c'est pas de s'améliorer d'une fois à l'autre, je me demande c'est quoi, là. Mais Nicolas Deslauriers, je le signe. On s'entend. Un club m'appelle, il faut te donner un choix de première ronde, même s'il est lointain, je te le donne. Mm-hmm. Un choix de 2? Je te le donne. Choix de 3? Peut-être pas. Oh, peut-être pas. Okay. Peut-être pas. Moi je te dirais que 3, je garderais Deslauriers. Parce que tu es sûr que Deslauriers joue dans la Ligue, le choix de 3, c'est pas très sûr. Non, mais c'est sûr, mais dans le sens que moi, ce serait OK, un choix de 3, peut-être, mais. Puis là, tu surenchères en disant « Ce prospect-là m'intéresse aussi, tu sais. » Moi, je suis prêt à faire exemple. Tu m'offres un choix de 3, je fais « Non. » Par contre, je suis prêt à t'offrir Deslauriers et un choix de 3 pour moi avoir un 2. Ouais. Tu comprends? Ouais. Je suis prêt pour me monter moi à mon rang de sélection, je suis prêt à te donner un complément. Surtout qu'on a donné des choix de deux. Puis là, cette année, je pense qu'on en a. Là, on a trois choix de deux cette année. OK. Mais faudrait garder. C'est ça le problème. Oui. Puis ça, j'ai peur en maudit qu'Hébergement fasse des espèces de patchages de Mongol. C'est sûr qu'il va faire ça. En donnant des choix de deux, là. Ah, que j'ai peur. C'est sûr, Jerry. Autant toi, tu me disais Plekanec qui va leur signer, là, 3.5 deux fois, là. Autant moi, je te dis, les choix de deux, là, s'il en reste un au repêchage, je vais être content. Je vais être agréablement surpris. Je m'attends à ce que ces choix de deux-là ne soient pas disponibles pour Timmins pour pouvoir repêcher. Puis je l'ai fait, là, l'exercice sur le dernier show, là, pour mentionner là, le Canadien de Montréal. Oui, Timmins n'a peut-être pas la meilleure moyenne au bâton, mais lui a-t-on donné la chance de s'exprimer avec les pics les plus payants? Et ben, force est d'admettre que dans les dernières années, c'était pas le cas. Mm-hmm. Moi, j'ai trouvé un article intéressant. C'est la gang de En Prolongation, qui est un site web indépendant qui couvre le Canadien. C'est un article de Laurent Gosselin. J'aime nommer les gens parce que je veux pas me donner le mérite de quoi que ce soit, là, mais lui, il va avec 5 propositions de transactions pour Max Pacioretty. Je te donne le prix, tu me dis ça passe ou ça passe pas. Première proposition, il dit Max Pacioretty à Columbus en retour d'Alexander Wenberg et un choix de deuxième ronde en 2018. Puis là, ça passe ou ça passe pas, autant Canadien que la formation de Columbus. Là. Mais je pense que pour Columbus, ça peut être un bon choix parce que Wenberg, cette année, ne livre pas la marchandise. On peut dire aussi que Pacioretty ne livre pas la marchandise aussi. Je pense qu'il y a 22 points à Wenberg. Là. Il y a 20 points en 39. Bon. C'est pas si près. Mais quand même. Je pense qu'on s'attend à plus de Wenberg à Columbus, puis ça peut juste renforcer leur lien. Pas leur lien, mais leur profondeur à l'aile gauche. Tu sais, je disais, Pacioretty, tu l'envoies là-bas, dans le fond, là, puis il tombe facile top 6. C'est qui leur ailier gauche numéro 1 là-bas? C'est-tu genre Foligno? C'est-tu Foligno? Dites-moi de ça. Une bonne question, ça. Mais tu sais, il reste quand même que Pacioretty peut amener. Puis tu sais, s'il va là-bas, on va se dire tout de suite qu'il va jouer avec des Christy de bons joueurs. C'est Panarin, le premier ailier gauche. En fait, à gauche, là, ils ont Panarin, Dubinsky puis Foligno qui peuvent jouer là. Okay. Jenner aussi peut jouer à gauche. Fait que, tu sais, je suis loin d'être convaincu. Si Pacioretty avait joué à droite, il aurait été pas mal plus preneur. Ouais, mais reste quand même que Pacioretty, c'est ton top 6 en dessous de Panarin. Ouais, oui. Peut être solide, là. Tout à fait. Tu sais, mais je sais pas. Je pense qu'on peut avoir plus que Wenberg et un choix de deuxième ronde. Tu sais, oui, Wenberg n'est pas vieux, mais je sais pas. J'essaierai d'avoir plus. Considères-tu que Pierre-Luc Dubois et un choix de première ronde, c'est mieux? Non. Non, parce que je suis tanné d'entendre parler de Pierre-Luc Dubois. Là. Je dis pas que j'aimerais pas l'avoir à Montréal. Il y a quand même une très bonne saison pour une recrue. Là. Il y a 23 points en 53 matchs. Là. Mais enlève le fait qu'il s'appelle Pierre-Luc Dubois là, et qu'il parle français. Là. Il s'appellerait Vitaly Bromomovski. On n'en parlerait même pas. Ça ressemble à ça. Ça m'énerve. Je suis tanné. Puis tu sais, si on l'a, puis on l'échange, puis on est capable de donner moins ou peu importe. Là, moi, Pacioretty, Dubois, choix de première ronde, un autre joueur là, solide là-bas, là, peut-être. En fait, là, Dubois, choix de première ronde, Wenberg pour Pacioretty, c'est peut-être beaucoup. Ben, là, je suis pas sûr que Columbus le ferait, parce que c'est quand même deux joueurs de leur alignement plus jeunes que Pacioretty. Mais je comprends, c'est que... Mais s'ils veulent aller dans la Coupe cette année, parce qu'ils ont quand même un très, très bon club. Là. Il y a un goaler dans le pic, ils ont une très bonne défensive, ils ont une très bonne attaque, mais ils font juste renforcer l'attaque en allant chercher un très bon scoreur. Mm-hmm. Admettons, là, le Canadien propose Dubois, choix de première ronde, et Wenberg. Parce que là, on s'entend, là, tu viens combler tes postes de centre 1 et 2 éventuellement. Là. Puis t'as Pelling qui va être ton troisième, puis Dano devrait être ton 4. t'as une ligne de centre qui peut faire bien du sens. Max Pacioretty sera peut-être pas là à long terme pour la formation de Columbus. Donne un choix de deux. Faut que tu compares. T'es prêt à rajouter, toi? Ouais, donne un choix de deux. Moi, je suis prêt, même peut-être... Donne Sherbach. Donne Sherbach. C'est ça. On est prêt. On peut dealer. On peut c'est ça. OK. Proposition avec les Hurricanes cette fois-ci. Max Pacioretty contre Lindholm, Elias Lindholm, Jacob Slavin et un choix de deuxième ronde. Moi, là, pour moi, là, cette transaction-là ne fait pas de sens pour la simple et unique raison que la formation des Hurricanes, leurs kids ont pas mal toutes la même âge, ils grandissent ensemble, sont pas prêts là à gagner. Ça donne rien de faire un shortcut à la Pacioretty. Ils vont s'en mordre les doigts. Ben, je pense que ça sert à rien. Comme tu dis, dans le fond, ça sert absolument à rien pour la Caroline d'aller chercher Max Pacioretty. Plus vieux que les deux joueurs, puis un choix de deuxième ronde. Je vois pas pourquoi qu'il le ferait. Je vois vraiment pas pourquoi. Je dirais pas non, nécessairement. C'est pas des top joueurs, je trouve. Surtout que... je sais pas. C'est... J'y penserais, mais on dirait que je suis pas un oui catégorique. Ben, pour le Canadien, moi, go, là, j'embarque. Par contre, pour la formation des Hurricanes, vraiment pas. Là. Ouais. Je vois peut-être Patrick plus gros qu'il l'est, finalement. Ah, moi, peut-être que c'est le syndrome de Montréal. Moi, j'ai l'impression... Peut-être que tous les joueurs de Montréal, la valeur est diminuée. Mais ça... peut-être mon côté pessimiste. Je préfère... Non, mais je pense que t'as plus raison. T'as plus raison que moi. Les Jets, cette fois-ci, la quatrième sur les cinq. Max Pacioretty contre Jack Roslovic, Josh Morrissey, un choix de première ronde et un choix de deuxième. C'est intéressant pour les deux choix de ronde. Deux joueurs très, très jeunes. Morrissey est un solide défenseur en devenir. Oui, ouais, il est quand même très bien puis il a juste 22 ans. Puis pour là, écoute, tantôt je disais, je vois pas pourquoi que les Hurricanes le feraient. Ils sont très jeunes, ils sont pas rendus là dans leur processus. À l'inverse, la formation des Jets, c'est là. Hornibuck fait la job, la défensive est sa grosse coche, l'attaque fonctionne, ils ont tout ce qu'il faut. Je pense qu'avec Nashville, ça devrait être les deux meilleurs clubs là, en série cette année. Ben, moi, je pense que ça va être... en série, c'est probablement eux autres qui vont s'affronter en finale. Je dirais pas non à un Vegas qui s'introduit là-dedans. Tu y crois encore? Ben, en fait, c'est que j'aimerais y croire, en fait. Oui, c'est ça. Alors, c'est juste vraiment plaisant. Là. Dans cette optique-là, Roslovic, Morrissey, puis des choix, gros! Tu sais, si c'est vraiment la clé qui te manque pour aller chercher de la coupe... go! C'est, attends pas. Quand tu le sens que t'es rendu, là, quand tu penses que c'est juste du fine-tuning que ça te prend, go! Vas-y! Mais essaye pas de faire un shortcut. Ce que je soulevais pour la transaction Subban-Weber, c'est de croire de la part du Canadien de Montréal que le club était plus proche qu'il ne l'était réellement de la Coupe Stanley. La trade en tant que telle, si t'es vraiment à un an ou deux de gagner la coupe, ça fait du sens. C'est vrai que Weber est un upgrade sur le très, très court terme. Mais dès que tu dépasses la barrière des deux ans, ça faisait plus de sens. Mais j'ai quand même bien aimé au dernier show quand t'as parlé de Subban et que t'as expliqué que c'est peut-être lui qui a pas pris le fait de pas être capitaine et d'être... Et de ne pas demander à être échangé, mais juste de prendre la nouvelle avec beaucoup d'aisance. Oui, ça se pourrait, ça. Mais je pense que le Canadien a fait le choix pas tant entre Weber et Subban qu'entre Weber et Pacioretty. Je pense que plus ça va, plus j'ai l'impression que c'est le choix entre ces deux-là qui a été fait et non pas entre les deux défenseurs, entre Weber et Subban. Mm-hmm. Dernière proposition de transaction. Cette fois-ci, c'est avec les Blues. Puis ça, c'en est une qu'on a beaucoup entendue dans les médias. Les auditeurs du podcast On Jase le savent. Là, Martin Lemay est bandé ben raide sur cette proposition-là. Lui, il propose Max Pacioretty contre Robert Thomas, Vince Dunn, un choix de première ronde en 19 et un choix de deuxième ronde en 19. Je dis pas non. Je sais que Robert Thomas revient souvent, même quand c'est lié à des rumeurs avec Carey Price. Fait que j'imagine que ce nom-là sort de quelque part pour vrai. Vince Dunn, je le connais pas tant. Très jeune. A l'air d'avoir quand même... C'est sûr qu'il joue à Saint-Louis, là, ça l'aide. Mais quand même, connu des bonnes... Une bonne carrière, même dans la Ligue américaine, il y a eu une bonne saison. Ça peut être intéressant. C'est surtout les choix de ronde aussi. Je veux dire, c'est beaucoup là, pour Max Pacioretty. Puis Robert Thomas, 18 ans, Vince Dunn, 21 ans. Tu sais, je pense que c'est des très, très bons projets. Rajoute un 2 du côté du Canadien et je pense que là, on peut jaser. Là. Oui, ouais, là, c'est l'avantage du Canadien totalement, je pense. Ouais. Mais... ouais, Pacioretty, choix de 2, je pense que c'est done deal. Et même cas que même histoire qu'avec les Jets, les Blues peuvent se considérer comme étant des aspirants logiques à la Coupe Stanley. Mais je pense que leur problème n'est pas tant d'aller chercher un marqueur à l'aile que d'avoir un gardien de but qui est capable de faire la job pour vrai en série. Alors, ouais. Je ne sais pas si c'est vraiment un Max Pacioretty qu'ils vont regarder pour aller chercher plus qu'un gardien de but. Mais là, le marché des gardiens de but... Est-ce que, et là on va faire une boucle avec ce qu'on a parlé plus tôt, est-ce que tu regardes du côté des Rangers et Longvist? Ouais, j'avoue. En plus, Pacioretty, moi je l'ai toujours vu se faire trader aux Rangers. Non, mais non, je veux dire, okay, pour les Blues, là. Tu sais, tu veux régler le problème de gardien de but. Allen, avec les Rangers, si le but c'est de reconstruire, c'est un bon patchage, il n'y a pas un contrat très long. Et pour la formation des Blues, Longvis est là, prêt à aller chercher une coupe, a fait ses preuves. Ça peut être un bon fit, là. Moi, sincèrement, là, je viens de penser à ça là, et je ne serais pas surpris de voir ce genre de transaction-là entre les deux clubs. C'est même pas la même conférence, fait que t'as pas de. C'est souvent plus facile de faire des transactions. Sincèrement, il y a quelque chose là. Ouais. Ben, il y a de quoi. Ouais, effectivement. En tout cas, on fait pas les choses sur ces Rangers puis ces Blues, mais je pense à ça, là, puis ouais, c'est intéressant. Il pourrait avoir un blockbuster trade là, au trade deadline, puis c'est vraiment à vérifier. Ouais. Pour le fun, j'ai trouvé ça très, très le fun. J'ai un de mes amis sur Facebook, Guillaume Lepage, qui est animateur de radio dans le coin de Québec, à Weekend Radio, qui soulevait que il y a quelques temps, c'est en lien avec Pacioretty, mais le 29 janvier, Renaud Lavoie a titré un article « Le clan Pacioretty s'attend à ce qu'il parte ». Ça, c'est le 29 janvier. Là. Et le 6 février, t'as peu, je vais ouvrir un calendrier. Là. 31, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jours plus tard, Renaud Lavoie nous publie un article qui se nomme « Pacioretty devrait terminer la saison à Montréal ». Tabarnak! Ouais, mais en même temps, le mot-clé là-dedans, c'est Renaud Lavoie, là. Ben oui, mais c'est ça, le tabarnak. Je peux pas croire que ce gars-là, il gagne des 6 chiffres pour ça. Il y a une émission à son nom, là. Man! Non, pour vrai, c'est quelque chose. C'est... Man! C'est... je sais même pas quoi dire, pour vrai. Mais ce gars-là quand même comparé Paul Byron à Sidney Crosby. Là. Clairement. Faut pas s'attendre à autre chose. Tu sais, Gaston Therrien, Renaud Lavoie, ils ont leur mascotte de leur bord, là, tu sais. C'est méchant, ça. Mais, pas faux non plus. J'avais le goût de me taper la tête des murs. Je comprends. Je comprends. Ouais. Fait que là, tout avait un autre sujet, parce que là, je suis en train de regarder déjà là, du côté de notre public en feu. Ben non, on peut aller 18 au public. Je voulais, en fait, j'ai hâte qu'on fasse un bilan de la saison du Canadien parce qu'on va se dire que c'est bientôt fini. Oui. Mais je veux en fait te lancer cette question-là pour le prochain show. OK. On fait notre bilan du Canadien au prochain show qu'on parle du Canadien. Ben en fait, non, on va faire des shows sur les échanges, là, mais oui, ce ne sera pas ben long après qu'on va faire un bilan. Là. Parce que la saison est finie. Oui. Donc, la question, c'est? Ben, c'est ça. Okay, t'es plus, t'es moins, qu'est-ce qu'il faut que... Bref. Ouais, Faire Argevin et tout, là. C'est bon, OK. Dans les questions du public, il en reste deux parce qu'on a déjà traité celle de Mathieu Petit par rapport à Delaurier et Jason Pilon avec la lettre pour de la part des dirigeants des Rangers. On a Sylvain qui nous parlait de qui voulait qu'on parle du retour de Fleury. De Fleury. Fleury. Fleury, j'avais McFleury dans la tête. À Pittsburgh, on l'a dit. Il en reste deux. Il y a Marc-Antoine Belair qui nous demande qui doit partir à la date limite et quelle est la valeur de ces joueurs. Là, on a fait pas mal en long et en large. Pour ce qui est de Max Pacioretty, on a parlé de Plekanec et on a parlé de Galchenyuk. Vois-tu d'autres noms, toi, dans l'équation qui doivent partir? Ben oui, en fait, mais c'est plus qu'ils doivent partir pour profiter de la valeur qu'ils peuvent posséder. Et j'ai nommé Paul Byron. Mm-hmm. Ce gars-là, je crois, peut avoir une bonne valeur. Là, je dis pas une bonne valeur, genre on va chercher une espèce de prospect, 3-4 choix de ronde, puis un bon joueur établi. Là. Mais je pense qu'un Paul Byron, c'est égal. D'aller chercher un choix de 2 pour, c'est très, très respectable. Surtout dans l'optique qu'on veut reconstruire le Canadien de Montréal. Là. Je dis Paul Byron... Je veux pas vous faire le saut, mais Paul Byron n'aura pas les mêmes chiffres ailleurs qu'il y a à Montréal. Puis il faut espérer que l'autre DG qui va le pogner espère qu'il ait les mêmes chiffres où est-ce qu'il va jouer qu'il y a à Montréal. Mm-hmm. Ce gars-là profite justement du fait que il n'y a personne de bon à Montréal présentement pour être bon. T'sais. Fait que je pense qu'un choix de 2 pour Paul Byron, c'est beaucoup, mais on l'a eu au balotage, fait que ça serait magique d'avoir un choix de 2 pour lui. Sinon, tu sais, par défaut, je garde Phil Dano parce qu'on n'a plus de centre. Puis Phil Dano est quand même correct. Si Phil Dano est capable de donner 40-45 points par année, c'est correct pour un centre de deuxième, troisième trio. T'sais. C'est des très bonnes statistiques pour un centre. Reste que je ne sais pas si j'en profiterai avant de le re-signer à un très gros salaire. Parce que je ne sais pas à quel point Phil Dano va demander une augmentation. Tu sais, Phil Dano, là, nice. Phil Dano à 4,5 millions, je suis pas sûr. C'est un peu moins nice, hein? Non, mais c'est ça. Puis honnêtement, je pense que Phil Dano peut aller chercher 4,5 millions gros max. Hey, s'il va chercher ça, là. Le Canadien, ça aide pas, là. Lars Eller, 3,5 avec des saisons de 25-30 points. Oui, mais Lars Eller, si tu le positionnes dans un rôle défensif, fait amplement la job. Philippe Dano, le problème, c'est que on va lui donner ce montant-là en espérant qu'il génère des plus que 35 à 40 points par année. Et c'est pas ça, ses capacités et son rôle. Oui, je sais, mais l'année passée, a fait une quarantaine de points. Cette année, sans ligner pour une quarantaine de points. Ou plus que 30. Oui, mais c'est ça que je te dis. Lars Eller, je te mentionne pas que le salaire est bon pour Lars Eller. Je te mentionne qu'on lui a donné ce salaire-là en pensant qu'il était pour être un gars qui ferait plus de points. Philippe Dano, c'est 40 points. Paye-le comme un gars de 40 points. Ce qui veut dire qu'à 3 millions, pense que c'est un bon deal. À 4, c'en est plus un. C'est ça. C'est la nuance que j'amène. Je pense qu'on faisait la même affaire. Oui, mais faut juste pas oublier que c'est Bergevin qui l'a déjoué. Ben c'est ça, mais puis faut pas justifier. Ah, ben si Eller a pu avoir un contrat de 4 millions, pourquoi que Dano n'aurait pas un? Faut pas que tu y ailles de même. Sinon, tu vas avoir des mauvais contrats. Là. Probable, sauf que l'agent va sûrement lâcher ça pareil. Ben, il pourrait lâcher ça. Oui, mais je pense que défensivement, Dano est moins bon qu'Eller. Ouais. Oui, mais j'aime mieux avoir Dano dans mon équipe que Lars Eller, personnellement. Mais pas à 4 millions. Parce qu'il parle français, hein, c'est ça. Même pas. le pire, c'est que pour vrai, j'ai même pas ça en tête quand je pense à Phil Dano. Non, je sais. Oh, oui, on voit les qualités de joueur. Ouais, c'est ça. C'est très, très différent. Mais c'est sûr qu'il y a d'autres joueurs. Comme, honnêtement, c'est égal à départir d'un David Schlemko. Tabarouette que je vais t'aimer, Bergevin. Mais tu sais, Sherbach aussi, là, il est monté en haut. Je sais pas si c'est vraiment pour le mettre en vitrine ou juste vraiment y faire prendre l'expérience. Mais non, je pense que c'est pas mal ça. Tu sais, je vais mettre une petite parenthèse. Il y a des rumeurs là, que Bergevin va peut-être négocier un contrat avec Antti Niemi. C'est nice, ça marche, là. Là. Tabarnak. Mais faut pas oublier Al Montoya, là. Ouais, c'est ça. Niemi, tu lui donnes quoi? Un an, un million, je vais vivre avec, là. Mais c'est parce que t'as préparé de quoi pour Charlie Lindgren? Ben, Lindgren n'a pas de contrat à la fin de la saison. Il tombe UFA. RFA. Fait que, moi, dans ma tête à moi, là, tu négocies en premier avec Lindgren, tu vois qu'est-ce qu'il veut faire. Si tu penses vraiment qu'il veut pas signer, puis que ça va être un chiard, puis tu vas être pogné de prendre un arbitrage, blablabla. Même si l'arbitrage serait positif, puis que tu vas le perdre dans un an, est-ce que t'es pas mieux d'offrir un contrat à Niemi? Peut-être. Mais tu vas certainement payer Niemi plus cher que Lindgren. C'est mon impression. C'est sûr. Fait que dans ce cas-là, moi, je miserais Lindgren, tant qu'à ça, tu sais. Oui, oui, non, mais c'est ça le but. Sauf que la rumeur dit que Niemi serait sur le bord de négocier. Là. Ça me fait peur, moi. Fait que... Niemi a un choix de 5. T'es gagnant pareil. Tu n'as rien payé pour. Oui, c'est ça. Fait que non, je pense en fait, il y a beaucoup de petits noms. Puis je pense que même dans l'article de la presse, tu sais, Jacob Delarose, là, Paul Biron, Joe Morrow, là, c'est tous des joueurs qui ont plus de partir. Puis qu'on ait des choix de ronde lointains, je m'en fous, là, rendu là. On fera remplir les jerseys par d'autres joueurs dans la Ligue américaine, dans la limite. S'il y a quelqu'un qui offre un choix de première ronde pour Petrie, on saute dessus aussi. Ouais, ça m'étonnerait, mais oui. Ça m'étonnerait. Hey, te rends compte, puis ça, c'est à tous les fois, je pense à la défensive du Canadien, puis je regarde, tu sais, qui peut débarquer. Tu sais, il y a Rabec et Morrow qui n'ont pas de contrat pour l'an prochain. Le reste, là, ça reste pareil. Ouais. Man, que c'est décourageant. Ouais. Te rends compte la saison prochaine comment est-ce que le hockey va être encore de la marde à Montréal? Ouais. En fait, faut être patient. Mais faut être patient seulement si c'est un autre de jeu. Parce que c'est le même, ça va être long. Ça va être long. À moins qu'il nous sorte un chapeau de son lapin. Oui. Effectivement. S'il fait ça, je vais être impressionné. Habituellement, le chapeau est moins propre quand tu sors du lapin que l'inverse. Oui, effectivement. Mais bon, t'as compris ce que je voulais dire. Donc. Le Canadien, tu sais, au moment d'enregistrer, jouait contre les Flyers et vient de perdre 5-2. Donc voilà, la game est complétée. Où il reste très très peu de temps, là, mais ça en est vers une défaite, juste pour donner tranquillement pas vite le score. Là. Chez le Canadien, Gallagher, Shaw et Lekkonen ont marqué. Et chez la formation des Flyers, Konechny, 2 buts. Giroux, 1 but, 2 passes. Voracek, 1 but. Et Provorov, l'autre but. Puis voilà. Prometteur, ça, ce Konechny. Oui, quand même. Oui, ça a comme coupé le fil un peu, là, mais j'ai tombé dessus. Oui, c'est ça. La défensive du Canadien va être la même l'an prochain. Là. Si cette année n'est pas bonne, là, attendez-vous pas à ce qu'elle soit bonne l'an prochain. Oui. Non. C'est c'est ça. J'ai rien à rusher là-dessus pour eux. La défensive du Canadien est mauvaise, puis... Il y a des menottes après pour les 4 prochaines années. Il y a Alexis Détremblay qui demande « J'ai l'impression que les médias critiquent moins Galchenyuk ces derniers temps. Donc, à votre avis, qui sera le prochain mal-aimé au sein du CH? » Ce serait le temps à Chris que ça soit Plekanec. Ouais, mais tu sais quoi? Mais ça arrivera pas. J'ai peur que ce soit Jonathan Drouin. Oui, mais Drouin, comme Sylvain a déjà mentionné, c'est au moins tu le faisais jouer à sa position. Tu pourrais y en vouloir. Là, on l'oblige à jouer une place où est-ce qu'il n'est pas à l'aise. On l'oblige. Ou peut-être c'est lui qui veut, mais du moins, on l'a crucifié sur la place publique comme étant le prochain centre numéro 1 du Canadien de Montréal avant qu'il joue une Christie game avec le club. On a échangé notre meilleur asset pour aller chercher un joueur de centre qui n'en est pas un. Puis là, je vais encore faire un lien avec le podcast de Martin Lemay. Il disait sur le show, tu sais, pour un Thomas, Robert Thomas, qu'on parlait tantôt là, dans les propositions d'échange, qui est un joueur de centre, qui est supposé d'être un joueur de centre, faut que tu payes. c'est ça que ça te prend, va le chercher. C'est, l'objectif, c'est pas de gagner le trade qu'il mentionnait, c'est d'avoir ce que tu as de besoin. Ben, mais le Canadien pensait avoir ce qu'il avait de besoin avec Drouin. Il a surpayé. Il se ramasse à avoir encore le même problème et un jour, et il a surpayé pour pas avoir la solution à son problème. Avant de faire un trade, il faut que tu sois sûr en tabarouette, là. Ouais, c'est sûr. Surtout pour un centre, puis surtout si tu prends ton meilleur asset pour faire cette transaction-là. Fait que si, j'en viens à la question d'Alexis, si vraiment Drouin devient le souffre-douleur des médias montréalais, on n'aura pas donné la chance de s'exprimer puis de se faire valoir à sa vraie position. Puis ça sera en partie, en grande partie, la faute du Canadien de Montréal si le kid se ramasse dans cette position-là. Mm-hmm. Mais en plus, là, je regarde ça et je me dis, je pense que Joe Drouin serait la personne qui bénéficierait plus du départ de Max Pacioretty. Ça, il tombe premier ailier gauche. Ouais, ça libère aucune un spot. Question. Mais Drouin n'est pas plus mieux à droite? Ben, il joue à gauche à Tampa. OK. J'avais l'impression qu'il était sur la droite, mais écoute, je peux me tromper. Peu importe. Oui, c'est ça. Mais sinon, le prochain Manémé, pour répondre vraiment à la question, c'est comment c'est pas mal le cas, puis on a hâte que ça s'est changé, c'est Max Pacioretty, justement. Là. Je pense. Ouais, mais je pense pas qu'il est mal aimé. Je pense que à force de pression des amateurs pour une reconstruction, on conçoit que c'est le joueur qui peut rapporter le plus. Parce qu'il n'y a pas un contrat trop pesant qui est encombrant dans une transaction. Et qu'en plus, son contrat achève bientôt. Fait que je pense que c'est pour ça. C'est pas une question de mal l'aimer. Je pense. Carey Price d'abord. Oui. Ça pourrait faire du sens. J'ai déjà demandé du monde, en tout cas sur les réseaux sociaux, que je vois beaucoup là, chialer sur Carey Price. Fait que est-ce que les médias vont suivre le mouvement? Ben, encore une fois, c'est une question d'angle. Ouais. Si, tu sais, si on critique Drouin parce qu'il n'est pas un bon joueur de centre, pour moi, c'est malhonnête. Parce que, comme je te disais, on l'a placé dans une position qui n'est pas la sienne et qui n'est pas optimale pour exprimer ce qu'il est capable de faire sur une glace. Se donner, se faire justice. Pour Carey Price, le parallèle que je fais, c'est que si on critique Price pour ses performances sur la glace, s'il est juste bon, voire très bon, mais que c'est pas suffisant pour gagner, et que c'est plus la faute de sa brigade défensive puis du club en avant de lui, je trouve que c'est malhonnête. Si on le critique parce que avec son contrat, il empêche le Canadien d'avoir la marge de manœuvre pour aller chercher de meilleurs éléments et générer globalement un meilleur club, là, pour moi, on est bullseye. On vise dans le mille. C'est là que la critique doit se passer. Mais encore récemment, j'entendais un François Gagnon dire « Plekanec, là, si c'était pas de son salaire, on chialerait pas dessus. » Mais le salaire fait partie de l'équation. Dans le hockey d'aujourd'hui, s'il n'y avait pas de plafond salarial, OK, pas de problème, le salaire, on s'en calisse. Mais là, le salaire, c'est la place que tu as, c'est l'espace, c'est la manœuvre. Si un joueur qui est surpayé, il bloque la manœuvre pour tout le restant du club. Chaque mauvaise pièce investie est un talent en moins dans la formation. J'en ai déjà parlé sur le show. Pour moi, le hockey aujourd'hui, c'est talent versus salaire. Ouais. Fait que si t'as un mauvais contrat, t'offres pas le meilleur rapport salaire-performance, salaire-talent. Et Plekanec, tu peux pas enlever de l'équation le salaire. Tu sais, c'est comme dire tu sais, Christopher Letang, c'est le meilleur défenseur de la ligue. À part si t'enlèves les matchs qu'il n'est pas là parce qu'il est blessé. Tu sais, parce que ouais. Il aide-tu autant son club qu'un défenseur qui est là 82 matchs? Non. Quand il est blessé, il n'est pas là, tu sais. En tout cas. Fait que c'est ça. Sinon, tu sais, j'espère qu'un Osner va arrêter d'avoir la pitié des gens. Là. parce qu'il est nouvellement arrivé puis que le Canadien, il faut qu'il protège leur investissement, là? Osner. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est Osner, le prochain. 4,5 millions pour 5 ans. 4,625. Ouais, bon, j'ai arrondi à 4,5. Non, on n'arrondit pas un échec. Je veux juste vous rappeler que ce défenseur-là a été signé à 4,6,5, 6,25 ou peu importe. Et l'année passée, il a fait 13 points. Ouais. Cette année. Fait que si tu fais 13 points, là, j'espère que t'es bon défensivement. Ben, plus 23. Mais il y a Brendan Oldby en arrière. Ah, il y a Carey Price cette année. Ouais, bon, Carey Price cette année, on va se dire que c'est pas le meilleur. Il y a 8 points cette année. Il est à 5 points d'avoir autant de points que l'année passée. 4,625 pour 5 ans. Sa meilleure saison en carrière, 21 points. Deux fois. J'ai droppé le mic, mais vous pouvez pas voir parce que c'est un podcast. Hey, by the way, en ce moment, Nashville est en train de se faire battre par Ottawa. Ouais, mais c'est pas fini encore. Ouais, c'est pas fini. Mais ça serait cool, ça rapprocherait le Canadien de baisser au classement. En tout cas, ceci étant dit, ça fait le tour des questions qu'on avait du public. Jerry, plug donc où est-ce que les gens peuvent te retrouver sur le web? Sur Facebook, Jerry Godbout, si vous voulez me parler de hockey, de jeux vidéo, peu importe, nice. Si vous aimez le basket, dites-moi là, parce qu'à date, je me parle tout seul, puis c'est long. Je te vois taguer comme tout le temps les deux mêmes amis. Je fais comme, ouais. C'est-tu que ça va être une clique serrée, là? Ouais, il n'y a pas beaucoup de monde qui aime le basket au Québec. J'en fais partie. Et vous pouvez aussi me trouver sur Twitter, tu sais, l'autre réseau social, @Godbout25, donc... Lâchez-vous lousse. Surtout que le club de Line s'en vient. Fait que je vais être quand même assez actif sur Twitter, même sur Facebook. Fait que non, on pourrait venir jaser, ça va faire plaisir. Puis on est actif sur la POC aussi. Puis j'imagine que toi aussi, tu es disponible sur les internets. Ouais, je suis le dude qui pressigne les commentaires sur la page Facebook de la POC des petites initiales JB. Ça, c'est moi. Sinon, sur Twitter, @gangj_b, sur Facebook, JB Gagné, ajoutez-moi, là, pour vrai. Si vous êtes des amateurs de hockey, vous aimez en jaser et que vous écoutez la POC, vous m'ajoutez, vous me le dites la raison et je vais vous accepter avec grand bonheur. Sinon, mes autres projets, le magasin général avec mon chum Nick Thibault et aussi La Réalité Augmentée qui, cette semaine, on vous parle du film Batman and Harley Quinn. Ooh. Et c'est un hostie d'ombre comme film. En ce cas, ah, pour vrai? Oui. C'est nice. Mauvais que le Chris. OK? Fait que, plus mauvais que Robin, The Son of Batman? Yes. Ah, oh, oui, oui. Ah, oh, oui. Quatre coches en dessous. Facile. Hey, non, je te jure, c'est vraiment pas bon. Shit. Fait que pour connaître tous les détails de ma critique en long et en large sur ce film-là, je vous invite à aller écouter le dernier épisode de La Réalité Augmentée. D'ici là, d'ici la fin de votre écoute, ben je vous dis à la prochaine dans un autre épisode de la POC. Bye bye tout le monde. Ciao là. It sends you waits by the tree, and she thinks something comes to me. Heard it before. She stands there all alone, staring blank at a telephone. But she's sure, so sure. Come on.